Voici un extrait d'un enregistrement d'une entrevue qui date du 17 avril 2011. Donc, c'est un extrait que m'a accordé Richard Glenn, animateur de l'émission autrefois sur le câble et aujourd'hui sur le web d'Ésotérisme expérimental. Malheureusement, l'enregistrement au complet du 17 avril 2011, je ne suis pas capable de le retracer. Par contre, j'ai cet extrait. Comme on dit, c'est mieux que rien. Et étant donné que nous sommes présentement à quelques jours à peine du 24 février de l'année 2023, donc Richard Glenn, depuis près de 40 ans, nous annonce un événement particulier prévu pour fin février de l'année 2023. Donc, nous sommes dans une période particulière et puis c'est sûr qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours par rapport au rendez-vous dont il a eu la vision il y a plusieurs années. Et il va être question dans cet enregistrement de la voyance qui est l'un des sujets abordés, et je pense que c'est quand même un sujet très à propos compte tenu du fait que nous sommes à quelques jours et par rapport à un moment particulier qui nous est annoncé depuis près de 40 ans. Donc, on va voir si dans les prochains jours, l'humanité aura un rendez-vous avec le phénomène extraterrestre. Donc, c'est sûr qu'on verra bien qu'est-ce qui va en venir. Et sinon, dans le cadre de cet extrait d'enregistrement, il avait été question de Bernard de Montréal, qui est, à mon avis, l'un des invités mémorables qui l'a interviewé au fil du temps. Bernard de Montréal, qui est un auteur et conférencier qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec. Donc, je pense que c'est quand même la voyance compte tenu des circonstances où ça fait longtemps que Richard nous partage ses visions de l'avenir. Et aussi d'aborder Bernard de Montréal, je pense que ça peut être intéressant, étant donné qu'au fil du temps, sur ma chaîne de diffusion YouTube, j'ai souvent fait allusion à cet individu qui, à mon avis, est un individu d'avant-garde, un pionnier par rapport à l'expression et le déploiement de la conscience nouvelle à travers son verbe. Donc, c'est l'enregistrement qui va être à l'écoute aujourd'hui. Là, on va aborder ces sujets. Donc, vous pouvez prendre une note qu'en 2011, en fait, il y a plusieurs années, j'utilisais alors le pseudonyme de Néo Québec. Donc, s'il m'adresse ainsi là, dans l'enregistrement, c'est normal. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que je m'attendais pas à ça. Suite au décès de Sergio, je me suis remis à réécouter des enregistrements dans ma banque d'archives. J'en ai plusieurs centaines et c'est sûr que je suis heureux d'avoir tombé sur cet enregistrement qui me fait plaisir à présent de vous partager. Donc, bonne écoute tout le monde. Je suis en compagnie de Richard Glenn. Oui, bonjour Néo. De la même manière, on est capable de voir dans notre passé, notre vécu passé, des années passées, des événements importants. On a des fois de la misère à se souvenir. C'est-tu arrivé en telle année ou dans telle circonstance ça s'est passé? Mais on est quand même capable d'avoir des souvenirs importants d'événements de notre passé. De la même manière, on pourrait, par méditation, projeter vers le futur pour retrouver des événements qui vont nous toucher émotivement. Parce que tout ça, c'est dans le plan magnétique, donc, de l'émotion. Si vous êtes porté à penser à retrouver des événements de votre vie passée qui sont malheureux, des événements tristes, des événements accablants, c'est dommage. C'est que vous êtes porté à voir les choses négatives. Et quand vous allez regarder vers le futur pour faire une vision prophétique, ben alors vous allez avoir une tendance semblable, c'est-à-dire d'aller voir les choses tristes, malheureuses, dramatiques. Alors que si vous êtes optimiste et que ce qui vous intéresse de votre passé, les souvenirs que vous avez, c'est des souvenirs heureux, agréables, bien, en faisant une méditation pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, vous allez avoir le même genre d'énergie qui va vous alimenter. Et alors, à ce moment-là, vous allez être optimiste et vous verrez des événements heureux dans le futur. Je peux vous dire que pour le futur, ben oui, il y aura du soleil, il y aura des nuages, il y aura des orages, mais il y aura du très beau temps. Et c'est sûr que c'est vers ça qu'on doit se diriger. C'est ça qui alimente notre plaisir, notre joie de vivre. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Et ce que vous dites, ça me fait penser beaucoup à l'expérience du verre d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent percevoir un verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, tout dépendant s'ils sont de tendance optimiste ou pessimiste. Exactement. Tu as très bien trouvé, l'exemple est idéal. Ben oui, on est tous différents, puis on a tous notre personnalité propre qui nous permet d'appréhender des choses à venir et selon notre personnalité profonde. Et quand vous allez écouter des soi-disant voyants qui disent des choses pour le futur, faites attention, parce que c'est peut-être des gens négatifs. C'est peut-être des gens qui voient le côté sombre dans leur propre vie, puis les choses ne vont pas très bien. À ce moment-là, ils ne vont pas vous amener des choses bien agréables pour le futur. Alors, tenez-vous éloigné de ça. On dit toujours, on juge une personne, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, évidemment, si tu ne fais pas affaire avec des gens qui sont heureux, optimistes, rayonnants de joie, tu vas entendre des choses négatives. Approche-toi des gens qui sont heureux, qui réussissent bien dans la vie. À partir de là, ça va nourrir ton soleil. Oui, puis en lien avec ça, je serais curieux de voir comment que vous... si je vous pose la question, comme un gars comme Bernard de Montréal qui disait qu'il ne voyait rien dans son passé parce qu'il avait tout neutralisé, toute forme de mémoire, n'est-il pas étonnant de constater qu'il prétendait être capable de voir dans l'avenir? Oui, le cas de Bernard de Montréal, qui est un cas très particulier au Québec, qui a fait école, puis il fera encore école pour des années, c'est Bernard de Montréal, le supramental. Et le supramental de Bernard est un supramental de la tête. Aurobindo, lui, c'est le supramental de la voix du cœur. Alors, il faut comprendre que le supramental, ça veut dire l'état prépersonnel. C'est pas de la personnalité, c'est pas de la psychologie, c'est de la métapsychologie. Ça veut dire au-delà des formes. Bernard, il disait toujours, il faut sortir de la forme. La forme n'a pas d'importance. C'est évident, quand tu as la vision supramentale, tu es comme détaché de ta nature humaine. Et même dans certains cas, il y a des supramentales qui, eux, n'aiment pas la nature humaine. Ils la trouvent dégénérée, ils la trouvent pas encore assez évoluée, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une perception supramentale. Et pour Bernard, c'est son karma à lui de subir et de vivre en conséquence, d'être branché supramental. Il était même, il disait, fusionné. Alors pour lui, le passé de sa vie humaine, ça n'avait pas d'intérêt, parce que maintenant, il était rené dans une nouvelle réalité qui était plus éthérique que psychologique, matérielle. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être à ce niveau-là. Et pour quelqu'un qui voyait son avenir, il disait qu'il connaissait déjà son avenir, puis que son avenir était déjà comme écrit, puis tout ça. Je suis pas sûr à quel point il était certain de son coup. Peut-être qu'il l'était sur les plans supramentaux, sûrement, j'en doute pas. Mais il s'est fait jouer le tour qu'il était toujours dans un corps physique, humain, ordinaire, comme tout le monde, et il n'y a pas eu un corps qui a été transfiguré. La transfiguration du Christ à la résurrection, on arrive à Pâques, là, ben ça, c'est une expérience supramentale ultime, de pouvoir recréer un corps éthérique, un corps glorieux, comme on appelle, de la résurrection du Christ le matin de Pâques, ben c'était l'être, parce que Jésus était supramental, il était métapsychologique. Tu sais, je veux dire, pour lui, la loi des hommes, c'était une chose, mais il passait au-delà. Il disait toujours, je ne suis pas venu ici pour défaire la loi, mais la parfaire. Et il disait, si ta vache tombe dans un puits le jour du sabbat, tu n'as pas le droit. Tu n'auras pas le droit d'aller la chercher. Tu vas laisser se noyer dans le puits, puis empoisonner le puits, puis après ça, ben, le puits d'eau, personne ne pourra aller s'abreuver à l'eau qui est dans le puits parce que la vache sera morte dedans. Il dit, non, un instant, on va aller chercher la vache tout de suite. Ça prend une perception supramentale détachée des formes. Dans notre société, il y a des formes qui étaient très religieuses autrefois, mais figurez-vous qu'on est tombé dans un nouveau piège. C'est les formes de la science. Et quand la science dit que, puis ça se présente toujours dans notre monde comme étant une recherche scientifique, les résultats d'une enquête scientifique, puis on pense qu'à partir de là, c'est la vérité. On tombe dans l'autre piège. Autant c'était, d'inspiration, spirituel, lorsque c'était religieux, autant on pourrait dire aujourd'hui c'est des dictats imposés par des ordres scientifiques. Mais dans un cas comme dans l'autre, dans les deux extrêmes, nous autres, on est au milieu de ça, là, puis on doit vivre la vie de tous les jours sans être un scientifique extrême ou un religieux extrême. Il faut vivre la vie normale. Il faut passer des priorités ordinaires avant des priorités des extrêmes. Oui, et comme vous l'aviez déjà dit en latin, la vertu se tient au milieu. Oui, c'est ça. Media stat virtus. C'est sûr, c'est au milieu que se tient la vertu. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est une vieille formule. Exactement. Et c'est dans le fond le sens de l'équilibre. D'ailleurs, la santé, c'est l'équilibre. D'un extrême à l'autre, c'est dangereux. Il faut rester en équilibre. Et pour rester en équilibre, ça veut dire rester en santé, être sain. Et on disait la vieille formule, sain, sain, sain. C'est-à-dire sain, sain de corps, sain d'esprit, et puis sain au niveau de l'âme. Alors, quand tu es sain, sain, sain, corps, âme et esprit, ben là, tu restes en équilibre, en plein milieu. Et tu tombes pas d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est bon de se parler de cette façon un peu religieuse, puisqu'on est à l'époque de Pâques maintenant, et c'est un moment fort de l'année. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Richard. Et puis, ben moi, je vais rester en équilibre entre le passé et le futur. Bravo! Donc, à bientôt!